marches des églises, pour chanter le Gloria comme le temps des cerises. Un beau jour va s'avoir quand sur le calendrier. On aura tous envie de prier, on aura tous envie de s'aimer. Un beau jour, je saurai dire le nom de cet espoir qui court au fil de ma chanson. Un beau jour, on sera des millions à vouloir que l'amour soit notre religion. Un beau jour, mon cœur à la apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Animaux du genre humain, tout le monde se ressemble. Un beau jour, tous les miroirs nous renverront pareil. Une image de nous comme un soleil, une image éternelle. Un beau jour, je saurai dire le nom de cet espoir qui court au fil de ma